Quand tu me dis que tu me comprends, et pourtant tu restes toujours loin de moi. Tu fais ton petit cinéma et tu restes avec tes problèmes. Je reste loin de toi, c'est vrai, mais crois-moi, oui, je pense toujours à toi. Aujourd'hui les temps ont changé, j'ai peur de lâcher ma jeunesse. Et pourtant, nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes horizons. À quoi ça sert de jouer au petit malin? Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter. Ce que tu penses de moi n'est que dans ta tête. Et moi je rêve du futur. Et puis arrête de me parler de celle que tu as connue avant moi. Ce que tu penses de moi n'est que dans ta tête. Alors que moi je ne vois que toi. Mais dans l'amour et dans la guerre, la musique viendra tout. Et pourtant, nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes horizons. À quoi ça sert de jouer au petit malin? Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter. Et porté la langue et l'encore. Ma ouse et ma magnolo père. Na mene jowe a mese. Na tete, na makakane wa mikae. Ma pena si mene ta kisane o tanto. Se ponke son tale le o tete na wana ma. Et pourtant, nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes horizons. À quoi ça sert de jouer au petit malin? Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter. De jouer au petit malin. Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter.